nuit pleine dans l'insomnie. Le jour se lève, j'ai mal dormi. Mais si le fun, la chaleur de l'alcool, un peu de crainte, tout ça s'envole. Ma gosse est perdue et les gens revenus. La gueule en cul, personne dans les rues. De mon casin, quelques vieux barbus. Est-ce ma verture si attendue? Boulant ma bière, je ne sais quoi faire. Les idées claires que me fous en l'air. Comme elle prend mes nerfs, je prends du noir. Y a rien à voir, y a rien à voir. Les chiches claquent, les barbus se battent. Pour une bouteille, une seule savate. Moi ça m'éclate, je me réjouis. J'vais en faire boire, j'vais en faire boire. J'ai mal dormi. Mais si t'es pas la chair de la gueule, en même la glace, tout ça s'envole. Maintenant c'est perdu et déjà revenu. La gueule en cul, personne dans les rues. Le bon design, quelques vieux barbus. Est-ce mon ouverture si attendue? Boulant ma bière, je ne sais pas faire. Et si l'éclair, tu me fous en l'air. Comme une pomme vénère, je prends du noir. Il n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir. Les chiches claquent, les barbus se battent. Ils se savent, moi ça m'éclate, je me réjouis. Je vais en faire boire, je vais en faire boire.